beauté de la musique liturgique orthodoxe, la sagesse des saints-pères de l'Église, l'art de la prière incessante, l'actualité de la sainte tradition chrétienne. Venez les retrouver dans l'Église orthodoxe aujourd'hui, chaque dimanche à 17h. Une émission réalisée sous la bénédiction de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et proposée par Bogdan Florin Vlaïkou. L'Église orthodoxe, aujourd'hui. À tous ceux qui nous rejoignaient sur les ondes de Radio Notre-Dame en ce deuxième dimanche du Grand Carême Pascal, dimanche consacré, selon la tradition orthodoxe, à Saint Grégoire Palamas. Je vous invite à participer aujourd'hui à une émission en direct sur l'icône orthodoxe, sa théologie et son écriture, en lien avec la théologie de la lumière divine incréée, telle qu'elle a été formulée par le saint célébré en ce jour, Grégoire Palamas. Sur ce reflet de la beauté divine, reflet qui vient de l'Orient pour fasciner nombreux occidentaux, je vais m'entretenir avec mes deux invités d'aujourd'hui dans le studio de Radio Notre-Dame, le père archiprêtre Nicolas Ozolin et son épouse Elisabeth Ozolin. Madame Elisabeth Ozolin, bonjour. Bonjour. Vous êtes iconographe, vous avez réalisé la peinture murale de plusieurs églises en France et à l'étranger, comme l'église du monastère orthodoxe franco-roumain de Rosiers en Île-de-France. Et la chapelle du séminaire de théologie orthodoxe Saint-Vladimir de New York. Actuellement, vous enseignez l'iconographie à l'Institut de théologie orthodoxe en Sèche de Paris. Père Nicolas Ozolin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'iconologie et de théologie pastorale à l'Institut Saint-Sèche de Paris. Vous avez donné des conférences sur la théologie de l'icône en France et à l'étranger, notamment en Roumanie et en Russie. Et vous êtes aussi réalisateur de l'émission Orthodoxie sur France 2. J'invite tous ceux qui veulent participer à notre entretien à nous joindre au numéro de téléphone 01 56 56 44 45. Je répète, le numéro de téléphone est 01 56 56 44 45. Dora Wojcila va répondre à vos appels. Vous pouvez également nous adresser vos questions en écrivant à l'adresse électronique de l'émission ortradio@free.fr. Je répète, notre adresse email est ortradio@free.fr. Chers auditeurs, les six dimanches du Grand Carême sont comme des marches au long de cette montée spirituelle pascale vers la fête des fêtes, la résurrection du Christ. Sur la première marche, le dimanche dernier, du triomphe de l'orthodoxie, l'Église nous a invités à nous élever l'esprit vers Dieu à travers la contemplation de la beauté des icônes, en célébrant la victoire de l'orthodoxie sur l'iconoclasme et les autres hérésies par le concile qui a eu lieu en 843 à Constantinople. Ce deuxième dimanche du Grand Carême d'aujourd'hui, consacré à Saint Grégoire Palamas, nous rappelle l'essence de la beauté représentée sur les icônes, la vision de la lumière incréée de Dieu, affirmée à travers la théologie de ce grand archevêque de Thessalonique et proclamée par une autre victoire de la théologie et de la spiritualité orthodoxe contre des concepts étrangers à la tradition chrétienne, lors d'un concile qui a eu lieu dans la même capitale de l'Empire byzantin, 5 siècles plus tard, en 1351. Mais le lien entre ces deux dimanches est l'événement de la transfiguration du Christ, rappelé par l'évangile qui a été lu aujourd'hui pendant la messe dans toutes les églises catholiques. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que c'est une occasion et une chance cette année. La date de Pâques est commune pour les orthodoxes et les catholiques. Donc, c'est une bonne occasion de suivre un petit peu le développement du carême ensemble. Et j'ai essayé de faire ça à travers les émissions dès le début du carême. Je vous rappelle que le dimanche Donc, du début du carême, j'ai diffusé une interview réalisée avec le père Milan Just, chargé des relations avec les églises orthodoxes des pays slaves au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens à Rome, sur la notion de l'œcuménisme spirituel. Le dimanche dernier, premier dimanche du carême, j'ai lu l'invitation lancée par la métropole orthodoxe roumaine à tous les chrétiens de faire le carême ensemble cette année, justement en vue de cette coïncidence de la date de Pâques. Et on va essayer aujourd'hui aussi de montrer comment cette tradition orthodoxe se présente par rapport à la tradition de l'Église d'Occident. Et on va voir qu'il y a beaucoup des choses en commun qui sont très intéressantes. Et donc, ainsi, je pense que ce carême est une occasion pour nous tous, chrétiens orthodoxes, catholiques et protestants, de se rapprocher, de se découvrir les uns les autres, nos diverses traditions. Père Nicolas Ozoline, justement dans l'émission dernière, j'ai diffusé une interview qu'on a fait il y a déjà un moment sur la signification de du dimanche du triomphe de l'orthodoxie en lien avec le dimanche de Saint-Grégoire Palamas. C'était un entretien assez théologique et bon, j'ai considéré que pour le dimanche du triomphe de l'orthodoxie, ça vaut la peine de faire un peu plus de la théologie. C'est vrai qu'il y avait peut-être des concepts un peu difficiles à comprendre, pas toujours très largement expliqués. Donc c'est une bonne occasion, j'invite tous les auditeurs à profiter de cette émission en direct, de votre présence dans le studio de Radio Notre-Dame pour vous adresser des questions justement s'il y a des choses qui n'ont pas été assez bien comprises à cette occasion. Donc là, on va essayer d'avoir un entretien la relation entre les deux dimanches et entre la théologie de l'icône et la théologie de la lumière incréée. Parce que, n'est-ce pas, c'est un sujet très intéressant et très lié aussi à l'ascèse que le carême suppose. Je vous rappelle seulement de rappeler en quelques mots, disons, l'essentiel de cette théologie de l'icône qui nous est utile à nous, chrétiens, dans notre vie de prière, dans notre vie liturgique de tous les jours. Bien, vous avez tout à fait raison de dire que il y a un lien profond entre... ce que nous célébrons le dimanche de l'orthodoxie et ce que nous célébrons aujourd'hui le dimanche de Saint-Grégoire Palamas, parce que on peut dire que la théologie de Saint-Grégoire Palamas est le point sur le i de ce long processus de l'élaboration de la théologie christologique, n'est-ce pas? C'est ce que l'Église enseigne sur le Christ. Et il y a là, et puisque nous avons un peu de temps, il est peut-être bon de rappeler qu'il y a une logique interne tout à fait étonnante. Après Chalcédoine, où on a dit le Christ est une personne en deux natures, on a donc défendu cette idée de la plénitude de la nature précisément humaine. Parce qu'à l'époque, contrairement à notre époque, tout le monde était d'accord que le Christ est véritablement Dieu. Et ce qu'il fallait défendre, ça peut paraître paradoxal aujourd'hui, ce qu'il fallait défendre, c'est l'humanité du Christ et son entière humanité. Alors il y avait ce qu'on appelait dans le temps les monophysites, maintenant on les appelle les églises pré-chalcédoniennes, qui, en suivant la terminologie de Saint Cyril d'Alexandrie, disaient « n'aimez pas le mot « mon nature ». Ils sont restés avec cette... Au fond, ils ont la même christologie que nous, au fond. Mais ils ont terminologiquement, il y a des différences. L'Église a défendu quand même les deux natures, parce que c'est une façon de dire que cette humanité est plénière. Et on s'est aperçu avec le temps que c'était pas du tout un luxe d'insister sur cette plénitude de la nature humaine, parce que, si vous voulez, l'étape suivante, c'était l'hérésie monothélète, hein, où on a dit, bon, d'accord, on va accepter l'unité, la nature humaine, mais en ce qui concerne les volontés, il n'y a qu'une seule volonté. Et là, nous avons la grande figure de Saint Maxime le Confesseur qui dit non, il y a aussi, s'il y a deux natures, il y a aussi deux volontés. Et chaque nature garde ses propriétés naturelles, n'est-ce pas? Ce qui, et par là, il faut dire que lorsque tout cela a été clarifié, et finalement nous savons que c'était à environ un demi-siècle seulement avant que l'iconoclasme n'éclate, n'est-ce pas? Donc il y a très peu de temps. Donc l'arrière-fond monophysite et monothélète est présente pendant l'époque iconoclaste. Alors vient la grande interrogation iconoclaste, l'interrogation, est-ce que on peut vraiment dire que le corps du Christ était un corps humain comme le nôtre? Alors, première réaction, comme tout le monde était d'accord que le Christ est vraiment Dieu, les iconoclastes disaient, puisqu'il est Dieu, on ne peut pas le peindre. Les orthodoxes répondaient, non, on peut le peindre parce qu'il est vraiment devenu Dieu. Et lorsque nous peignons ce corps du Christ, nous peignons le corps humain de Dieu. Hein? Puisqu'il y a identité personnelle entre le Logos pré-éternel et Jésus-Christ de Nazareth. Voilà en deux mots les présupposés de cette querelle iconoclaste et les deux réponses données, une réponse par les iconoclastes en disant non, on ne peut pas, et les autres, les orthodoxes, non seulement on peut, il faut le faire, puisque lorsqu'on le fait, c'est une confession par la peinture, par l'image de l'incarnation plénière et totale du Christ. Alors, pourquoi est-ce que tout cela a à voir avec Saint Grégoire Palamas? C'est très simple. Saint Grégoire Palamas est le grand docteur de l'Esprit Saint. Et non seulement de l'Esprit Saint en général, mais le grand docteur de l'action de l'Esprit Saint dans ce monde. Il y a eu immédiatement après l'époque iconoclaste, Saint Photios le Grand, n'est-ce pas? Le très grand patriarche de Constantinople, une figure très très importante, qui a pris sur lui la réalisation des décisions conciliaires anti-iconoclastes. Il a donc été le grand acteur et initiateur de la restauration des icônes dans les églises, leur vénération, etc. Et en même temps, c'est un très grand théologien aussi du Saint-Esprit, mais on peut dire du Saint-Esprit essentiellement dans la Trinité, c'est-à-dire les relations, comme on dit, intra-trinitaires, entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est lui d'ailleurs, comme on sait, qui a si clairement réfuté ce malentendu latin sur le filioque, n'est-ce pas? Bon, et là il a été très précis, il a été très clair, et nous sommes tous dans ce sens-là ses élèves. Alors Saint Grégoire Palamas, c'est ne plus dans la Trinité. Son grand souci, c'est lorsque le Père inspire le Saint-Esprit et engendre le Fils, lorsque ces deux mains du Père agissent dans le monde, comment est-ce que le Saint-Esprit, agit dans le monde? Quel est quel est le mode de cette action du Saint-Esprit? Eh bien, c'est là où Saint Grégoire a été non seulement un représentant imminent de la tradition et d'une fidélité indéfectible au Père plus ancien, puisque lui aussi est Père de l'Église, grâce à Dieu, mais il a été, comme les plus grands des Pères, lui-même créatif, puisqu'il a, dans sa controverse avec Balaam, n'est-ce pas, le Calabrais, qui, au fond, représentait une sorte d'humanisme byzantin, plus ou moins aristotélicien, bon, on va pas entrer dans les détails, mais qui était absolument bloqué par rapport à ce que disait Saint Grégoire Palamas sur la sanctification. Puisque Saint Grégoire Palamas était, avant de devenir archevêque de Constantinople, il était moine du Mont Athos. Et au Mont Athos, il faisait partie des moines hésychastes. Les moines hésychastes, c'était une vieille des moines qui suivaient la vieille tradition monastique orthodoxe, mais qui s'adonnaient à des prières qui étaient une façon un peu plus particulière, qui n'était pas répandue partout dans tous les monastères du monde orthodoxe, mais au Mont Athos, il y avait cette école, au Mont Sinaï, évidemment aussi, puisque c'est Grégoire Sinaïte qui a mené tout cela de là-bas. Donc, l'hésychasme est cette piété, cette prière dans le silence, puisque hésychie veut dire le silence, le calme, hein. Et dans ce silence, le moine en question invoque le Saint-Esprit, invoque le Christ, à vrai dire, parce qu'il dit « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Mais il est clair que dans cette invocation du Christ, il ne peut la faire que dans l'Esprit. Comme nous ne pouvons vraiment voir une icône du Christ si nous sommes dans l'Esprit Saint. Et donc, le résultat de cette pratique hésychaste, c'est que ces moines devenaient véritablement, et Saint Grégoire insiste beaucoup là-dessus, eux-mêmes des habitats du Saint-Esprit, des temples du Saint-Esprit, pour parler avec Saint Paul, et que au bout de leur expérience, il y avait très souvent cette fameuse vision de la lumière taborique. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du Mont Tabor, du fait que, si j'ai bien compris, dans les églises catholiques, aujourd'hui, on a lu l'évangile, donc, du récit de la transfiguration du Christ. Ça tombe pile, parce que c'est exactement de ça que parlent aussi bien les icônes que Saint-Grégoire Palamas. Et donc, pour m'arrêter là, on peut dire que la lumière taborique, hein, dans la tradition orthodoxe, telle qu'elle est explicitée par Saint Grégoire Palamas, c'est, comme il disait, les énergies incréées du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est ces énergies du Saint-Esprit, et c'était ça son, le plus important, sont Dieu lui-même. N'est-ce pas? Il fait la distinction entre l'essence et les énergies, mais l'essence, bien sûr, est divin, mais les énergies sont aussi divines. Et parce que ces énergies sont divines, elles peuvent illuminer de la lumière taborique, c'est-à-dire de la lumière divine, tous ceux qui s'ouvrent à cette lumière. Et donc le processus, si vous voulez, de la sanctification de l'homme dans cette approche-là est ce qu'on appelle, comme tout le monde sait, la théosis, abogénie en russe, n'est-ce pas, la déification. Pourquoi déification? Ça paraît prétentieux. Comment est-ce qu'un homme peut être déifié? Parce que c'est Dieu, par ses énergies incréées, qui s'offre à l'homme et qui, en tant qu'Esprit Saint, est acquis par l'homme. Et quel est le sujet de toutes les icônes possibles? C'est exactement cela. Toutes les icônes ont en commun la sainteté de leur sujet. Autrement dit, les icônes montrent cette sainteté, acquise soit naturelle pour le Christ, soit acquise par des hommes qui ont suivi le Christ. Qui ont suivi le Christ par l'acquisition du Saint-Esprit. Et donc, les icônes aussi, et dans chaque icône, il y a de la lumière taborique, parce qu'il y a le nimbe, il y a de la lumière, et cette lumière n'est jamais une lumière qui tombe sur le corps, mais une lumière qui émane du corps, et de la tête, et du corps, et des plis. Donc, il y a ici, comme vous disiez très justement, c'est un même sujet. Voilà, qu'on précisait aussi le grand théologien qui a redécouvert la théologie de l'icône au XXe siècle, Leonid Uspenski, qui a été votre maître, n'est-ce pas, Père Nicolas Ozoline, L'icône représente non pas la chair corruptible destinée à la décomposition, mais la chair transfigurée, illuminée par la grâce, la chair du siècle à venir. Elle transmet par des moyens matériels, visibles aux yeux charnels, la beauté et la gloire divine. C'est pour cela que les pères disent que l'icône est vénérable et sainte parce qu'elle transmet l'état déifié de son prototype et porte son nom. C'est pour cela que la grâce propre à son prototype s'y trouve présente. Madame Elisabeth Ozolin, vous êtes iconographe, donc vous avez l'expérience de la pratique de l'écriture des icônes. Et justement, parlez-nous de votre expérience, comment l'iconographe arrive à mettre devant nos yeux charnels, justement, à travers l'icône, cette lumière incréée dont on vient de parler. Heureusement que ce n'est pas notre responsabilité de mettre, de transmettre. C'est grâce à l'élaboration de techniques qui étaient élaborées par l'Église, qu'en suivant les règles, en connaissant la théologie, les canons et appartenant à la foi orthodoxe, on peut comprendre le sens, si on peut le dire, mais on peut suivre ce chemin qui est ouvert pour nous, pour suivre justement par le ligne, la façon de faire qui est spécifique pour l'icône. On obtient un langage spécial. Voilà. Donc c'est le style, ce qu'on appelle le style byzantin iconique. Iconique, oui. Qui est le style spécifiquement chrétien de l'image dans l'Église. Justement. Voilà. C'est la spécificité de l'icône. Si on suit justement la technique qui est proposée, qui est élaborée, on obtient cette image qui est spécifique, qui veut justement transmettre la sainteté dont on parle. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez intervenir et participer à notre débat, à notre entretien, en appelant au numéro de téléphone 01 56 56 44 45. Je répète, 01 56 56 44 45. Elisabeth Ozolin, donc, le concile, le 7e concile œcuménique qui a bien précisé la théologie de l'icône, a fait référence à cette image qui était déjà bien définie dans l'Église de l'époque du 8e siècle, cette image qu'on appelle icône et qui est écrite, n'est-ce pas, dans un style qu'on appelle style byzantin. Et ça, c'est très important. C'est une chose qui n'est pas évidente aujourd'hui, même pour nombre d'orthodoxes. Donc, pas toute image était concernée par les décisions du Concile, mais cette image qui est spécifique. Donc, cette image que vous, par exemple, et d'autres iconographes avaient l'art et le savoir et la théologie de pouvoir écrire. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique pour une telle image? Si vous devrez définir un petit peu le style, ce qu'on appelle le style byzantin, le style iconographique, à travers quels moyens ce style arrive justement à refléter l'image, cette image qui est une image, n'est-ce pas, décrite par une lumière qui vient d'ailleurs, par une lumière incréée, par une lumière qui vient du royaume des cieux. Oui, pour ne pas entrer dans les l'histoire du iconoclaste, et ça c'est une autre chose, et là bien entendu rétablissement de l'icono-pétitanie, c'était l'iconophilie, de l'iconodoulie. Voilà, l'iconodoulie, c'est une chose bien entendu théologique et assez compliquée et complexe. Mais pour dire que bien entendu l'iconodoule justement voyait dans l'icône la représentation de Sainte Mère de Dieu, le Christ, le Saint, et justement dans leur transfiguration. On a parlé de transfiguration et c'est là justement on parle de la sainteté tout simplement. L'icône parle de la sainteté et c'est pourquoi l'icône de la transfiguration est très importante parce que elle parle, elle a un parallèle. Par exemple, pourquoi elle est intéressante parce que la parallèle c'est l'icône de la nativité, c'est-à-dire si on parle dans le langage pictural, l'icône de la nativité parle de la incarnation de Dieu. Dieu est devenu homme. Et l'icône de la transfiguration parle que l'homme devient Dieu. Vous voyez? Mm-hmm. Et là, elle parle justement de cet changement, cette acquise de Saint-Esprit par l'homme qui peut le conduire vers la divinité. Et comme on a dit, que quand même, je pense que si on croit que Dieu nous a créés, à son image, il ne pouvait pas de ne pas mettre une certaine divinité dans chaque homme, je veux dire que dans l'homme. Et cette divinité, c'est ces éclats divins qu'on a tous et qui nous fait chercher toujours quelque chose de au-delà, de quelque chose de divin. Voilà. Alors, je pense que à l'époque, justement, septième concile, justement, on voulait rétablir cette image de sainteté dans laquelle on croyait. Alors, on a parlé de cette lumière incréée, de cette lumière qui nous est suggérée à travers l'icône orthodoxe aussi. Je vous propose, chers auditeurs, d'écouter maintenant une hymne liturgique très ancien que l'Église orthodoxe garde dans son office des vêpres, qui s'appelle justement « Lumière joyeuse ». C'est une hymne interprétée dans la tradition liturgique russe, mais en français par la chorale Saint-Jean Damascène de Paris. Chers auditeurs, nous sommes en direct dans le studio de Radio Notre-Dame avec le père Nicolas Ozoline et avec son épouse Elisabeth Ozoline. Et on parle de l'icône, de la théologie de l'icône et son lien avec la théologie des énergies incréées, de la lumière incréée de Saint Grégoire Palamas. Père Nicolas Ozoline, on peut peut-être rappeler en quelques mots pourquoi cette théologie de l'icône qui a été donc formulée par une concile œcuménique, donc le 7e concile œcuménique en 787. Il se trouve que cette théologie n'a pas été complètement, pleinement accueillie dans l'Église d'Occident, malgré le fait que les papes de Rome ont eu une importance particulière dans l'élaboration de ce dogme. Et je rappelle seulement le fait que le pape Grégoire II, qui est a été canonisé, donc est considéré saint dans le calendrier liturgique orthodoxe aussi. Il a écrit une lettre à l'empereur iconoclaste Léon l'Isaurien, en lui disant, je cite, « Pourquoi ne décrivons-nous ni ne représentons-nous pas le Père du Seigneur Jésus-Christ ? Parce que nous ne savons pas ce qu'il est. Et si nous l'avions vu et connu, comme nous avons vu et connu son Fils, nous aurions essayé de le décrire et de le représenter par l'art. » Voilà donc un pape qui parle d'une façon très claire, manifeste, de l'impossibilité de représenter Dieu le Père. On sait bien comme ce sujet du Dieu le Père a eu un développement tout à fait extraordinaire en Occident plus tard. Donc, dites-nous s'il vous plaît quelques mots sur l'histoire de cette réception de la théologie de l'icône par l'Occident. Oui, vous avez tout à fait raison. Il est très important de souligner, toujours souligner, que la victoire sur l'iconoclasme était une victoire conjointe de l'Orient et de l'Occident chrétien. Le fait est que qui était iconoclaste à Byzance, c'était quelques évêques au début, quelques évêques en Asie mineure, qui ont gagné pour leur cause l'empereur. Or, l'empereur, ayant un pouvoir, pour ainsi dire, illimité, n'est pas dans l'Empire, il a pu s'arranger pour que... il a pu, en fait, imposer ses propres vues, d'abord au patriarche, au clergé. Il a changé le patriarche, il a renvoyé le patriarche germain, il a pris d'autres gens, et peu à peu, il a... lui-même et son fils, vous avez parlé de Léon III, et puis son fils Constantin V, Copronymus encore plus, a fait toute une campagne pendant des longues années pour préparer un concile, justement, où il était assuré d'avance qu'il y avait une majorité d'évêques iconoclastes qui vont prendre des décisions iconoclastes et qui avaient intérêt de le faire, parce que sinon il risquait la prison et pire que ça. Donc, il est très important de se dire que les résistances organisées à l'iconoclasme n'ont pu exister que à la périphérie et au-delà de la périphérie de l'Empire. Et nous avons deux points sensibles. D'abord, c'est en Palestine, dans la laure de Mar Saba, le grand monastère de Saint Saba, le consacré, où il y avait à cette époque-là un des plus grand théologien orthodoxe et chrétien tout court, de tous les temps, Saint Jean Damascène, qui, se trouvant à Jérusalem, récemment conquis par les Arabes musulmans, était hors atteinte pour la police byzantine. C'était aussi simple que ça. Et donc, il a pu écrire à l'empereur, disant, de quoi tu te mêles, hein? Ce qui était impensable pour qui que ce soit sur le territoire byzantin. Ça, c'est un pôle. Et l'autre pôle, eh bien, c'est Rome, n'est-ce pas, et en général l'Occident, où les papes ont résisté avec une vigueur remarquable, à ce que d'abord, comme le Damascène d'ailleurs, caractérisé comme du césaropapisme, c'est-à-dire que les empereurs se mêlent trop des questions religieuses et des questions de la foi pour lesquelles ils ne sont tout simplement pas compétents. Alors, ça c'est un fait fondamental, et comme vous avez mentionné tout à l'heure Leonid Ouspensky, il a toujours souligné dans tout son enseignement, n'est-ce pas, cette victoire commune. Il faut aussi dire que nous savons que les empereurs byzantins persécutaient les moines, n'est-ce pas. Alors les moines persécutés, où est-ce qu'ils fuyaient? Ils fuyaient en Occident. Et il y a eu un renforcement du monachisme en Occident grâce à ces multitudes de moines chassés par les empereurs byzantins. Donc tout cela est absolument vrai. Puis il y a les épîtres des papes de l'époque iconoclaste, des épîtres iconophiles, sur lesquels d'ailleurs le spécialiste se demande des fois s'ils n'ont pas un peu interpellé quand même par par les Grecs, parce que certaines formules n'étaient pas très courantes, disons, en Occident, surtout ceux qui, en principe, manquaient depuis toujours un peu en Occident, c'était le lien dogmatique entre l'existence de l'image et le fait de l'incarnation. Il y a la célèbre lettre du pape d'un autre Grégoire, pape Grégoire, qui a écrit à un évêque de Marseille, Severus, qui brisait les statues et les images dans sa cathédrale, n'est-ce pas? Alors le pape lui écrit, mais mon cher ami, n'est-ce pas? Bon, je comprends que tu fais ça par zèle et parce que tu veux à tout prix éviter toute tentation d'idolâtrie, mais enfin, comprends que les statues et les peintures dans les églises ont une raison d'être. D'abord, c'est esthétiquement agréable à voir. Donc il y a un côté, n'est-ce pas, esthétique, justification esthétique. Et deuxièmement, tu sais bien qu'il y a pas mal de gens illettrés, et ceux qui ne savent pas lire, ils comprendront en regardant les images. Et c'est cette lettre de ce pape qui est restée, on peut dire, un peu la charte des images en Occident. Et les lettres de l'autre pape là qui a écrit... Et il y a aussi une lettre de pape Adrien, etc., sont du point de vue de leur contenu théologique exceptionnellement riches pour des documents concernant les images provenant de l'Occident. C'est intéressant. Donc il y a deux possibilités. Soit ils ont été vraiment il y a des interpolations, soit ces papes, devant la menace que représentait l'iconoclasme, avaient pris conscience de dimensions théologiques auxquelles avant on n'avait pas l'habitude de penser. Il est de toute façon clair que le vrai problème de la réception du septième concile œcuménique, donc de 787, en Occident, est ailleurs. Il vient du fait que la traduction qui avait été faite des actes de Nicée II a été, en latin, a été très mauvaise. Et un des plus grands manquements de cette traduction, c'est que cette traduction latine confondait vénération et adoration. Et il y avait dans le texte latin, il y avait tout le temps adoratio, même quand il s'agissait de vénération des images. Or, les pères de Saint-Nicée avaient mis un point d'honneur dans le fait que il n'est pas question d'adorer les images. Dieu seul est adoré, les images sont vénérées. Bon, ça peut paraître un point de détail, mais ce n'est pas un point de détail, puisque ce point a permis à quelqu'un qui était intéressé de présenter les Grecs comme théologiquement pas très très très fiables à ce moment-là, c'est-à-dire Charlemagne, non, le sacré Charlemagne, qui avait échoué dans une tentative de mariage avec l'impératrice de Byzance. Bon, il avait été couronné le 25 décembre de l'année 800 à Rome, empereur d'Occident, ce qui était un acte de révolte civile. Et d'usurpation, c'est clair. Parce que le pape était sujet de l'empereur, et lui, le roi des Francs, aussi était sujet de l'empereur, dans la vision du monde de l'époque. Donc, et il le savait très bien. Pour se justifier, il y avait ce projet de mariage avec Irène, qui est célèbre chez nous, parce que c'est sous Irène qu'a lieu le septième concile œcuménique. Bon. Celui donc de 787. Mais les actes ont été mal traduits et cela a permis à l'entourage de Charlemagne, Alcuin, puis l'évêque de l'autre évêque là d'Orléans, etc., à Aix la Chapelle, de décrire les fameux livres carolins où, en se basant sur cette mauvaise traduction des actes de Nicée II, on a au fond accusé les Grecs d'hérésie, d'idolâtrie, etc. Ce qui était intéressant pour Charlemagne, pourquoi? Parce que à l'époque, un bon empereur devait être un bon chrétien. Et si la pauvre reine, n'est-ce pas, était idolâtre, ben elle était disqualifiée. Et lui était, il était au contraire promu comme le vrai empereur catholique, orthodoxe et tout ce qu'il fallait. Donc mauvaise réception de Nicée II par le monde carolingien est un peu à l'origine d'une sorte de méconnaissance de ses actes en Occident en général. Vous voyez, dans ces livres carolins, par exemple, on accuse aussi les Grecs d'avoir retiré le filioque du credo. Nous savons que le credo était ajouté par les latins. Non, et toutes sortes de choses. Donc là, il y avait des toutes sortes de problèmes. Il faut dire que bon, quand est-ce qu'on va se rappeler en Occident du 7e concile œcuménique? Bon, il faut dire aussi que bien qu'il y a eu à Paris, n'est-ce pas, en 825, si je ne me trompe, ou 850, je sais plus, c'est ce fameux concile, on pourrait dire, quasi iconoclaste des Carolins, n'est-ce pas, où il se rapproche plus du deuxième, de la doctrine du deuxième iconoclaste que du premier, mais quand même, ils choisissent ce qu'ils appellent la voie royale, c'est-à-dire, ils disent exactement ce qu'avait dit le pape Grégoire dans sa lettre, à Severinus. Ils disent, nous avons les images comme illustration, esthétiquement c'est beau, et basta, et ça suffit, et on veut pas plus. Et on n'a pas de théologie de l'image et on n'en veut pas. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est que malgré ce refus, il faut dire aussi que bien sûr à Rome, on voyait pas les choses du tout comme ça. À Rome, on refusait d'introduire le filioque dans le credo, on défendait les actes de Nicée II et on était véritablement colonne de la foi orthodoxe et catholique au sens fort du terme. Les papes défendaient contre les Carolingiens. Et c'est seulement, je pense, l'empereur Henri II qui plus tard a réussi par un pape germanique à introduire le filioque. Bon, pour finir avec toute cette question, il faut quand même dire une chose, il faut rappeler une chose très étonnante. C'est que malgré ce refus, on peut dire, ce malentendu carolingien sur le 7e concile œcuménique, il y a eu ce miracle que fut l'arroman, qui est pour nous orthodoxes un art tout à fait liturgique orthodoxe dans lequel nous nous retrouvons, qui fait partie de ces images spécifiquement chrétiennes que vous avez évoquées tout à l'heure, n'est-ce pas? Et pourquoi c'était possible malgré les Carolingiens? Parce que les Carolingiens, c'était pas toute l'Église, n'est-ce pas? C'était l'Église franque, et encore, faut voir pas tous. En même temps, il y avait l'arme aux Arabes, qui était aussi parfaite, pleinement dans la tradition. Il y avait en Italie des choses. Donc, l'ensemble du monde chrétien, qui était porteur d'un art liturgique catholique, catholique, universel, avait encore la force de créer en Occident, en Bourgogne, cet art qu'on appelait comme le roman international, n'est-ce pas, parce qu'il couvrait toute l'Europe. Et ça, c'était possible. Et finalement, les choses ont commencé à se gâter du point de vue de l'art seulement comment, quand? Eh bien, avec l'apparition des gothiques. C'est là où il y a une coupure. Et le gothique, il faut se rappeler, est l'art, et c'est pas moi qui le dis, c'est un grand savant, Erwin Panofsky, n'est-ce pas, qui dit que le gothique est l'art de la scolastique. Et là, évidemment, il y a un autre monde. Ce n'est plus le monde de la patristique, c'est le monde de la... Et là, nous allons donc maintenant entrer dans chaque côté va poursuivre sa propre voie. Et qui ne sera plus une voie de communion comme à l'époque de l'art roman. Et là, ça va être évidemment, les conséquences vont être, de notre point de vue, dramatiques, parce que le gothique va se développer, il va devenir de plus en plus humaniste, de plus en plus naturaliste, et va finalement déboucher sur la Renaissance. La Renaissance qui est pour nous une repaganisation de l'art chrétien. Donc, si vous voulez, là, en quelques mots, quelques éléments, n'est-ce pas, de cette évolution, qui fait que ce que disait Ouspensky, il disait ça en deux phrases, l'iconoclasme a été vaincu ensemble, mais après, il y a eu une divergence tragique. Voilà, donc il y a eu des malentendus de l'histoire. Il y a une millénaire et plus qui ont fait que cette théologie de l'icône, promulguée, proclamée par une concile écuménique à Nicée en 787, n'a pas été pleinement reçue par la théologie occidentale. Mais quand même, au moins cette phrase du Horos, de la conclusion du concile, a été quand même repris en Occident. Le principe de la vénération d'une icône, l'honneur rendu à l'image va à son prototype, et celui qui vénère l'icône vénère la personne qui y est représentée, qui vient de très loin, qui vient de Saint Basile le Grand déjà. Donc c'est un principe qui n'a pas été méconnu quand même en Occident. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut être honnête. Hein. Et il faut se dire que évidemment, quand est-ce qu'on s'est rappelé après les Carolins? Du concile, et bien sûr au concile de Trente, n'est-ce pas, avec la menace protestante et l'iconoclasme protestant. Et là, on s'est rappelé de Nicée II, et on s'est servi de Nicée II. Le seul problème, c'est que l'art n'était plus le même, n'est-ce pas? Ça, c'est... Pourtant, il y a quelque chose qui n'a jamais pénétré les consciences occidentaux, je pense. Il s'agit de cette histoire du style qui est très important. Et on peut dire que même au dernier concile de l'Église catholique, au concile Vatican II, on a déclaré que l'Église catholique, je cite, n'a jamais considéré aucun style artistique comme lui appartenant en propre, mais a admis les genres de chaque époque. Et là, je viens dire que nous avons dans l'Église orthodoxe une richesse, qui est cette théologie de l'icône. Maintenant, l'icône fascine le public occidental par sa beauté. Mais il faut aller plus loin de cette fascination artistique, esthétique, et aller à l'essentiel qui est la théologie exprimée dans l'icône, parce que l'icône, c'est une image théologique. Madame Elisabeth Ozolin, justement, on parlait du style. Si vous pouvez préciser davantage quelle est la spécificité de ce style qu'on appelle style spécifiquement chrétien. Est-ce qu'il s'agit d'un symbolisme? Donc, à travers quels moyens ce style arrive à exprimer toute une théologie? L'Église ancienne a élaboré le style iconographique tout simplement à l'époque. Certainement, les gens, vous savez, à l'aube de chrétienté, les gens, il allait vers la sainteté, c'est-à-dire que c'était un tel événement dans l'Empire romain. Païenne, je veux dire que c'est le venu du christianisme, une autre page de l'histoire, une autre pas philosophie, mais justement oui, pour eux peut-être c'était la philosophie qui donnait quelque chose. Ça devait être très très fort, parce que tout qu'est-ce qu'on voit dans cette période, c'était très joyeux, c'était très, les gens allaient vers justement en pensant justement au Christ et à tout l'événement qui était, bien entendu, surtout après les vous savez, les catacombes, toutes les temps de que les empereurs persécutions, voilà, après les persécutions, après tout ça, justement, et cet art du bas empire romain, oui, a été baptisé, oui, christianisé, voilà, par l'Église. Voilà. comme tout. Et comme je disais, que l'homme a cherché de sa naissance, l'homme de première de temps a toujours été, il cherchait la divinité, certainement. Même si on voit ça de l'époque égyptienne, vous savez, toutes les, voilà, les pyramides, les choses parlent de cette recherche. Après, il y avait justement les temps d'Empire romain et toutes les idoles et toutes les divinités qu'ils voulaient, à quelles ils voulaient croire. Et après vient justement le christianisme. Et bien entendu, l'icône ne vient pas, elle ne tombe pas les jours au lendemain à l'homme comme ça du ciel qu'il a vu une icône. C'est parce que tout simplement, tout l'art antique dans lequel eux ils croyaient, toutes les divinités dans lesquelles ils croyaient. Et vous voyez, l'homme est devenu chrétien et il a christianisé quelque part, bien entendu, l'art ancien. Et quand vous voyez, par exemple, en Grèce, toutes les, ça vient quand même, c'est très lié avec le pays. Par exemple, en Grèce, quand vous voyez toutes les statues archaïques ou classiques, vous voyez que ces statues sont très royales, très imposantes, très. Et quand vous demandez pourquoi, c'est parce que justement pour montrer que toutes ces divinités étaient au-dessus de l'humanisme. Et vous voyez, même dans l'Antiquité, il élaborait cette notion que il y a quelqu'un plus supérieur. Et bon, là maintenant, on peut dire que quand on est passé à l'iconographie, à l'image de Dieu, et à cette conscience de divin, l'homme a commencé à chercher justement les exprimer, de les traduire et trouver les langages pour cette image. Et si vous voulez, on a commencé, bien entendu, c'était avant, c'était les mosaïques, après c'était les fresques, après c'est devenu les icônes. Il y a une histoire pour tout ça, une raison. Progressivement, tout ça a commencé à être plus près à chaque personne. Et là, on a élaboré ce style d'iconographie qu'on connaît maintenant. Donc au VIe siècle, au plus tard, déjà le style était à peu près déjà défini. Oui. Par exemple, les icônes de Sinaï, voilà, là on voit déjà à quel point c'était élaboré et les styles qu'il y avait. Et puis il faut dire que c'est les icônes de Mont Sinaï, elles sont tellement différents. Il y avait aussi même même des francs qui étaient là-bas, comme a dit Père Nicolas, que justement l'iconographie, la foi était universelle, elle était la même et on voyait les choses identiquement. Et voilà, pour revenir à votre question, les styles de l'icône, c'était, oui, il voulait justement, il voulait exprimer la sainteté, toujours. Et pour ça, il y avait un style spécial, vous voyez, le regard de l'icône est très important. Le regard, c'est, il contient tout, il parle. Et pour tout ça, il y a une technique. Moi, comme technicienne, je peux vous dire qu'il y a une technique pour tout ça. Ce n'est pas parce qu'un iconographe, un jour inspiré, commence à faire une image de la Vierge ou du Christ, mais c'est parce qu'il suit le manuel iconographique, vous voyez. Et voilà, pour apprendre cette technique, c'est possible aussi de faire appel à vous, donc vous donnez des cours de l'iconographie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. Donc il y a toujours la possibilité pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent vraiment découvrir ce style, cette technique, à s'adresser à vous travers le secrétariat de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. Donc vous donnez des cours chaque semaine quand? Oui, je donne des cours lundi toute la journée de 10h à 1h et jusqu'à 17h, et puis mardi matin et même l'après-midi. D'accord, très bien. Voilà. Donc, Père Nicolas, en conclusion, très bref, cette théologie de l'icône, donc, qui est une richesse de l'Église orthodoxe aujourd'hui, elle peut être utile à tous les chrétiens, le fait de bien connaître, de bien lire une icône, de pouvoir prier devant elle. Non, très certainement, nous savons que il y a maintenant un engouement de l'icône et il doit avoir une raison pour cet engouement. Et personnellement, je pense que parmi les chrétiens d'Occident, il y a une soif d'une tradition vivante, d'art sacré, qui tient compte de la vérité de l'incarnation, de la vérité de la sainteté dans l'Église, et que l'Église a comme mission dans le monde de montrer cette sainteté et de la rendre participable. Voilà. Merci beaucoup. Je veux particulièrement remercier mes invités d'aujourd'hui, le Père Nicolas Ozolin et son épouse Elisabeth Ozolin, pour leur participation. Je vous remercie aussi, chers auditeurs, pour votre attention. Mes remerciements aussi à Jean Rocky, qui nous a aidé à la réalisation technique, et à Dora Wojcila, qui a été au standard. Le réalisateur de cette émission, Bogdan Florin Vlaicu, vous souhaite une semaine emplie de joie spirituelle et vous donne rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguien 98 FM et dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM.